Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons encore ce matin notre chapitre 11, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, on se courbe devant toi parce que même si tu es invisible à nos yeux, nous croyons que tu existes. Nous croyons que tu es le Créateur du monde. Nous croyons que tu es le rémunérateur de ce monde. Et nous voulons suivre l'exemple des témoins qui ont passé avant nous. Nous voulons croire, Seigneur, en tout ce que tu as promis et annoncé. Nous voulons marcher avec notre Dieu toute notre vie. Merci pour la foi que tu accordes à tes enfants. Conduis-nous ce matin en étudiant, encore une fois, ces quelques versets qui vont nous aider à comprendre encore mieux la foi que tu désires, la foi que tu donnes. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Le chapitre 11, qu'on appelle le chapitre de la foi, et que j'ai appelé aussi le chapitre de la persévérance, parce que tous les hommes et femmes cités jusqu'à date sont morts dans la foi. Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas reçu ce qui avait été promis. Ils n'ont pas vu s'accomplir les promesses. Mais ils sont morts dans la foi, croyant que Dieu accomplirait ce qu'il avait dit. Parce qu'en s'en allant, la foi, elle comprend que les paroles de Dieu, les prophéties de Dieu, dépassaient la vie des êtres humains. Quand Dieu a dit à Abraham, « Ton enfant Isaac va avoir une postérité plus grande que les étoiles du ciel et du sable de la mer. » C'était facile à comprendre qu'Abraham verrait pas ça. Oh, il verrait peut-être son fils se marier, avoir quelques enfants, mais il pourrait pas voir que ça va se multiplier nombreux comme cela, autant pour Isaac que pour Ismaël. Tous ces gens-là ont On a comme Moïse. Moïse non plus n'a pas vu la terre promise. Oh, la Bible nous dit qu'il l'a vu de loin, mais il n'y est pas rentré. Mais il l'a cru. Jusqu'à la fin de sa vie, pendant 40 ans dans le désert, Moïse a continué à croire que la terre promise était pour eux et que finalement Dieu leur donnerait. Même après qu'il ait su qu'il ne pourrait pas y entrer, à cause de son péché, que le peuple d'Israël était pour entrer. La plupart des promesses faites par Dieu sont faites non pas à des individus, mais pour un peuple, le peuple de Dieu. Si vous regardez, même dans la Nouvelle Alliance, les prophéties faites sont faites pour la masse et non pas seulement que pour des individus. Les promesses, en général, sont faites à l'Église, et non pas certaines personnes dans l'Église. Les promesses de Dieu. Et pour les hommes et les femmes qui sont cités comme témoins ici, pour les personnes de l'Épître aux Hébreux, c'est des gens qu'ils connaissaient dans leur histoire. À partir d'Abel jusqu'à Moïse, qu'on a vu, c'était leur histoire. Ils la connaissaient, cette histoire-là. Donc, c'était dans l'Ancienne Alliance. Il leur demande que dans l'Ancienne Alliance, tous ces hommes-là et ces femmes-là avaient la foi, et la foi a été jusque dans la mort, et la foi, en grande partie, les a aidés à persévérer jusqu'à la fin, même s'ils n'ont pas vu l'accomplissement de tout ce qui avait été promis. Et c'est important pour l'Église, de comprendre cela aussi, parce que la foi va m'aider à persévérer, même si je ne vois pas l'accomplissement des nouveaux cieux, nouvelles terres, ma résurrection et les nouveaux cieux, nouvelles terres. Même si je ne les vois pas, même si depuis 2000 ans, tous ceux avant moi sont morts sans voir cette rémunération-là, nous continuons à marcher par la foi avec Dieu. Faut pas étudier ce chapitre 11 en espérant pouvoir avoir assez de foi pour, comme ces hommes et ces femmes, et là que je vais demander à Dieu des choses puis il va m'exaucer. Souvent, j'ai entendu des hommes prêcher ou enseigner, et j'étais malheureusement un de ceux-là dans mon passé, utiliser le chapitre 11 pour emmener les croyants à avoir de la foi, et ayant la foi, ils vont voir leur prière s'exaucer. Mais ici, la foi n'est pas dans leur prière, mais la foi est dans leur Dieu qui a promis des choses qu'ils croient qu'elles vont s'accomplir, ces choses-là. Nous allons premièrement lire un autre ancien, un autre modèle qui est au verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. L'histoire de Jéricho. Chaque fois que je lis quelque chose par rapport à Jéricho, je souris un peu parce que je me souviens toujours d'une histoire que j'avais lue, que à partir de l'histoire de Josué et de la ville de Jéricho, un homme voulait conquérir le cœur d'une jeune fille qu'il aurait voulu fréquenter et marier. Mais elle résistait à toutes ses avances, à toutes ses propositions. Et probablement qu'elle avait peut-être quelqu'un d'autre dans son cœur, je ne sais pas. Mais lui, ayant entendu prêcher sur Jéricho, il est allé voir cette jeune fille-là et il a fait 7 fois le tour de la fille et il lui a expliqué que il croyait que Dieu était pour lui donner son cœur et qu'elle le fréquenterait et que finalement le marierait. Voyez-vous, on prend cela et on se l'applique à soi pour avoir ce que l'on veut, pour avoir ce que l'on désire. C'est une très mauvaise interprétation et application des textes. Ici, on sait que Moïse est mort avant d'entrer le pays de Canaan. La première ville qu'ils vont avoir à confronter pour prendre possession du pays de Canaan, ils vont faire face à la ville de Jéricho, qui est une ville fortifiée, très gros murs, et vraiment avec une armée, avec des soldats. Eux autres, c'est une gang d'esclaves qui ont passé 40 ans dans le désert. On se souvient que Josué a envoyé des espions et ils vont entrer, ils vont aller voir, ils vont revenir et Dieu dit à Josué quoi faire pour prendre possession de la ville de Jéricho. Il lui dit pendant 6 jours, vous allez faire le tour de la ville en silence, une fois par jour, pendant 6 jours. La 7e journée, vous allez faire le tour de la ville 7 fois, toujours en amenant l'arche de l'Alliance avec eux autres, signe de la présence de leur Dieu. Et à la fin des 7 tours, vous lancerez un cri de victoire, et les murailles vont s'écrouler. Et vous prendrez possession de la ville de Jéricho. Tactique de guerre pas très, très intelligente en soi. On ne fait pas ça aujourd'hui quand on veut prendre par la guerre un pays ou une ville. C'est pas Josué ici qui rêve de ça. C'est pas Josué ici qui pense à ça. C'est pas Josué ici qui aimerait ça. C'est Dieu qui dit à Josué, voici ce que tu veux faire. Parce que prendre le pays de la ville de Jéricho était humainement impossible. Il n'avait pas la capacité de le faire. Mais Dieu, lui, veut démontrer sa puissance, veut révéler son nom, veut révéler sa capacité de conduire son peuple et de lui donner la promesse faite de prendre possession du pays de Canaan. Et on sait que c'est ça que Josué a fait. Ils ont fait une fois par jour pendant 6 jours, la 7e journée, 7 fois, et les murailles se sont effectivement écroulées. Ils ont pris possession de la ville de Jéricho. Voyez-vous, c'était encore une fois, Dieu parle, Dieu déclare quelque chose, Dieu annonce quelque chose, Dieu dit ce qu'il va faire, et Josué le croit. Et il a une ferme assurance des choses qu'il espère. La chose qu'il espère ici, c'est la ville de Jéricho tombe après qu'il ait fait ce que Dieu avait demandé. Et ça s'est accompli. C'est arrivé. C'est arrivé. Et c'est la même chose que l'autre personnage que nous allons voir tout de suite au verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Donc Josué, avant d'attaquer, avait aussi envoyé des espions. Ils sont allés faire le tour de la ville. Ils sont allés voir qu'est-ce qui se passait, comment ça marchait. Et ils ont rencontré une femme prostituée du nom de Rahab. La ville où les soldats de Jéricho ont su que des espions étaient rentrés, des espions israélites étaient rentrés, parce qu'ils savent, eux autres, ils savent, Rahab elle dit, ils savent qu'ils sont à la porte et qu'ils veulent prendre possession du pays de Canaan, de la ville de Jéricho ici. Donc, ils disent à la femme, donne-nous où est-ce qu'ils sont, les espions. Et Rahab, plutôt de leur livrer les deux espions, les cache sur son toit. Et elle dit à ces deux espions, si vous lisez son histoire, et elle dit, nous avons entendu tout ce que Dieu a fait en Égypte. Nous savons qu'est-ce que Dieu a fait pour vous pendant les 40 ans dans le désert. On est conscient que votre Dieu, c'est un Dieu très grand, très fort, très puissant. Et elle déclare, si vous lisez le texte dans l'Ancien Testament, elle croit que votre Dieu est le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut. Elle croit que le Dieu d'Israël, c'est le vrai Dieu. Elle dit dans la Sainte-Esprit, elle dit que on sait que Dieu va vous donner le pays de Canaan. On sait que Dieu va le faire. Donc, moi, j'aimerais que vous m'épargniez comme je vous ai épargné, comme je vous ai protégé, j'aimerais que vous me protégez, moi et ma famille. Quand vous allez prendre possession de la ville de Jéricho. Voyez-vous, elle croit hein, ce qu'elle a entendu au sujet de Dieu. Elle croit hein, ce que Dieu a dit, que Dieu avait été pour donner le pays de Canaan aux Israélites. Elle marche par la foi. Elle croit. C'est pour ça qu'elle met sa vie en jeu pour protéger deux espions. Et Les deux espions lui disent, avant de quitter, avant de partir, mets cette corde rouge à ta fenêtre et rassemble dans ta maison tous ceux que tu veux qu'ils soient sauvés dans ta famille. Et ne sortez pas de votre maison. Et on va vous épargner quand on va venir. Voici une femme qui marche par la foi, Rahab, une prostituée. Je marche par la foi. Je crois que Dieu va faire ce que vous avez accompli. Elle ne se confie pas dans les grosses murailles. Elle se confie pas dans l'armée capable de dire, logiquement, humainement parlant, nous sommes plus forts que vous, donc nous allons être capables de vous repousser. Mais elle dit, je crois que Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Et je embarque dans ce plan-là. Je veux vivre dans ce plan-là. Je veux obéir à ce plan-là. Ça, c'est la foi. Rappelons-nous cela, frère et sœur, rappelons-nous cela. La foi, c'est en réaction à ce que Dieu a dit. Dieu déclare des choses, autant vers le passé que vers l'avenir. Il a déclaré à Moïse que c'est lui qui avait fait les cieux et la terre. Personne n'était là quand il les a fait. C'est lui qui les a fait. Et Moïse l'a cru et il a écrit. Jean a reçu que de la part de Dieu qu'il va faire des nouveaux cieux, nouvelle terre, qu'il va détruire celle qui est là présentement par le feu et qu'il va en créer un nouveau ciel, nouvelle terre. Là où est-ce qu'on va habiter avec notre Dieu pour le servir. Nous croyons. Nous croyons en ce que Dieu a dit, comme Moïse, comme Josué, comme Rahab, nous croyons. Et notre vie démontre, autant dans notre cœur, dans notre pensée, dans nos esprits, dans notre relation avec Dieu personnel, autant dans nos paroles, quand on jase avec nos enfants, nos femmes, nos maris, la façon qu'on parle, on exprime nos croyances en ce que Dieu a dit et en ce que Dieu va faire. Et notre vie de tous les jours manifeste notre croyance dans toutes sortes de petits détails et de toutes sortes de façons. On manifeste que nous croyons aux choses invisibles qui vont arriver un jour, par la grâce de Dieu. Et par sa grâce, jusqu'à la fin de notre vie, c'est ce que nous allons déclarer. Notre Père du ciel, merci des exemples ce matin de Josué et de Rahab. Il nous démontre que la foi est une ferme assurance des choses que tu as promises, des choses que tu as annoncées. Nous voyons aussi que la foi se vit au quotidien, parce que notre avenir décide de ce que nous allons faire aujourd'hui. Ô Seigneur notre Dieu, on ne se confie pas dans nos capacités personnelles pour continuer la marche avec toi, mais on se confie dans la foi qui nous était accordée par toi. Seigneur, nous savons que seule la foi qui vient de Dieu va persévérer jusqu'à la fin dans la vérité, dans la vérité, dans tes promesses, dans tes prophéties. Toute la gloire te revient. Au nom de Jésus, Amen.